بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu une parabole qui se trouve dans sourate l'araignée. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons étudier une parabole qui se situe dans sourate les groupes, donc dans sourate Zumar. Et sourate les groupes est une sourate mécoise. Elle a été appelée les groupes car Allah subhanahu wa ta'ala y a mentionné le groupe des gens heureux qui iront au paradis et le groupe des malheureux qui, eux, iront en enfer. Et parmi les caractéristiques de cette sourate, il y a le fait que du début jusqu'à la fin, elle tourne autour des trois catégories d'unicité, c'est-à-dire l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs. Et concernant le mérite de la récitation de cette sourate, il y a un hadith qui est connu à ce sujet. Et c'est le hadith de la mère des croyantes, plutôt la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas sans avoir récité Sourate Al-Isra et Sourate Al-Zuma, donc Sourate les groupes et Sourate Al-Isra. Et ce hadith est rapporté par Tirmidhi. Mais en vérité, ce hadith est un hadith faible. Et je profite de l'occasion pour mentionner un point très important. Il faut savoir que la plupart des hadiths qui indiquent le mérite de la récitation d'une sourate en particulier, la plupart de ces hadiths sont faibles. Prenons par exemple le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans son livre intitulé Al-Shu'ab. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Ibn Abbas, il disait, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui lit sourate al-Waqi'a, donc sourate l'inéluctable, toutes les nuits, ne sera jamais touché par la pauvreté. Et ce hadith est faible. Comme l'ont mentionné les savants du hadith. Pareil pour le hadith qui est très connu, qui est récité sourate Yassine sur vos défunts. Et pareil, c'est un hadith qui est faible. Comme l'ont mentionné de nombreux savants, notamment l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il n'est donc pas permis de réciter donc sourate Yassine en groupe sur le défunt avant la prière mortuaire, comme le font certaines sectes. Dans certains pays, par exemple, lorsque le défunt est amené à la mosquée pour la prière mortuaire, certaines personnes lisent en groupe sourate Yassine entièrement. Après cela seulement, il prie sur lui. Et il n'y a pas de doute que ceci est une innovation. Par contre, en ce qui concerne les hadiths qui indiquent le mérite de lire certaines sourates, telles que sourate Al-Baqarah, ou bien sourate Ali Imran, ou sourate Al-Fatiha, ou sourate Al-Mulk, ou les trois sourates protectrices, ce sont des hadiths qui sont authentiques. Ce sont des hadiths qui sont authentiques et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Donc la parabole d'aujourd'hui se trouve dans le verset 29 de sourate les groupes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée de ce verset, Allah propose en parabole un serviteur appartenant à plusieurs associés intraitables qui se disputent son service, et un autre serviteur appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc cette parabole concerne le polythéisme et l'unicité. Comme l'a mentionné l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc dans le début de cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction rapprochée, Allah propose en parabole un serviteur appartenant à plusieurs associés intraitables qui se dispute son service. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne un serviteur appartenant à plusieurs maîtres qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc chacun prétend que ce serviteur est sa propriété personnelle et que personne ne doit lui donner d'ordre à part lui. Et donc, ses maîtres sont sans cesse dans la divergence concernant cette affaire. Chacun d'entre eux prétend avoir raison. C'est pour cela que chacun d'entre eux lui donne des ordres. Le premier veut telle chose, alors que le deuxième en veut une autre, et le troisième encore une autre chose différente, et ainsi de suite. Et donc le serviteur est dans l'incompréhension totale. Il ne sait ni vers qui se tourner, ni à qui il doit obéir. En plus de cela, ses maîtres ne lui accordent aucune attention et aucune aide. Ils ne lui sont en rien profitables. Donc telle est la situation. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée, et un autre serviteur appartenant à un seul homme. C'est-à-dire un autre serviteur qui lui appartient à un seul maître, au contraire du premier. Et sa situation est totalement différente. car il sait ce que son maître attend de lui. Lorsqu'il lui ordonne quelque chose, il lui obéit. Il se tourne vers lui et il est apaisé, épanoui. Son maître fait attention à lui et il lui apporte de l'aide et du secours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, sont-ils égaux ? Donc sont-ils égaux, c'est-à-dire ces deux serviteurs ? Et l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymeen, il mentionne que l'interrogation ici a le sens de la négation. Et donc le sens de cette phrase est « ils ne sont pas égaux ». Et donc dans cette parabole, le premier serviteur qui appartient à plusieurs maîtres est semblable au polythéiste qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend en dehors d'Allah plusieurs associés. Il invoque celui-ci, ensuite celui-là. Il est dans la confusion totale. Et en plus de cette confusion, ses associés ne lui sont d'aucune utilité. Et le deuxième serviteur est semblable au monothéiste qui, lui, adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il se tourne uniquement vers Allah. Et Allah lui apporte soutien et secours. Et il est certes apaisé et épanoui. Il ne pense qu'à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et place tous ses espoirs en lui. Donc ça, c'était donc l'explication résumée de cette parabole. Donc après avoir fait l'explication de cette parabole, on va passer à ses enseignements. Donc le premier enseignement est la supériorité du croyant sur le mécréant. Car dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le monothéiste qui adore Allah seul, sans rien lui associer, est supérieur au polythéiste qui adore autre que lui. Malgré que le musulman, il peut faire beaucoup de péchés, il sera toujours supérieur au mécréant. Et ceci est une chose que tout musulman doit savoir. Car il y a parmi les musulmans des gens qui font l'éloge des mécréants. À un point où ils te font comprendre qu'ils sont meilleurs que certains musulmans. Et qu'ils ont, comme ils disent, plus de valeur que certains musulmans. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est que ce genre de paroles peuvent venir de prêcheurs qui s'affilient à la science et qui s'affilient à la jurisprudence. Ne voyez-vous pas que certains d'entre eux, par exemple, passent leur temps à dénigrer les pays musulmans et à leur tête, l'Arabie Saoudite. Et d'un autre côté, ils font l'éloge de la France et ils disent, mashallah, que c'est un pays de liberté. Subhanallah, je ne sais pas de quelle liberté ils parlent. Il y en a même un parmi eux qui a dit, la France est plus musulman que les pays musulmans. Subhanallah. La ilaha illallah. Comment quelqu'un qui a un minimum de science religieuse peut prononcer ce genre de calamité? Des pays où l'on entend l'appel à la prière, où Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas insulté, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas humilié ni rabaissé, des pays où tu peux prier dans n'importe quel endroit, où tu peux pratiquer ta religion librement, sont-ils égaux à des pays où l'on fait la guerre à l'islam nuit et jour, dans les médias, à l'école, dans la rue, des pays où l'on fait des caricatures de la meilleure des créatures, des pays où l'on insulte la meilleure des créatures, où la mécréance est prédominante, subhanallah, ne raisonne-t-il pas? Ne voit-il pas? Mais en vérité, je pense que c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le verset 46 de sourate Al-Hajj. قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Allah il dit selon la traduction, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. C'est pour cela que l'apprentissage de l'unicité, l'apprentissage de l'unicité pousse la personne à ne pas dire ce genre de calamité. Et celui qui prononce ce genre de parole, cela indique qu'il n'a strictement rien compris au tawhid. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Le deuxième enseignement qu'on tire de cette parabole, c'est l'un des bienfaits du tawhid. Et ce bienfait est l'apaisement du cœur. Car dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un serviteur appartenant à plusieurs maîtres. Et donc, comme on l'a mentionné précédemment, ce serviteur est dans une confusion totale. Et il n'est pas apaisé, tout comme le polythéiste. Alors que l'autre serviteur, qui appartient à un seul maître, est apaisé. Et les choses pour lui sont claires, tout comme le croyant. Et l'une des causes de son apaisement est qu'il cherche uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on tire de ce point un autre profit, mais cette fois-ci qui est plus général. C'est que celui qui cherche la satisfaction des gens avant la satisfaction d'Allah ne pourra pas trouver l'apaisement total. Il est obligatoire pour le musulman de chercher premièrement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah est satisfait de toi, ya Abdallah, le serviteur, ou plutôt le reste, excusez-moi, n'a que peu d'importance. En sachant que tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. C'est pour cela que l'imam Shafi'i, il disait, Rida an-nas ghayatun la tudrak. L'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, Rida an-nas ghayatun la tudrak. La satisfaction des gens est un but inatteignable. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc avec ça, on a fini l'explication de cette parabole. Et demain, incha'Allah, on continuera par l'explication d'une autre parabole, incha'Allah ta'ala. Naam.